الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الأول في شرح منظومة البيقونية للإمام طه أو عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمه الله رحمة واسعة. Donc c'est le premier cours inshallah de l'explication du poème البيقونية de طه عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمة الله عليه. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه المنظومة عناية كبيرة، فلا تكاد تجد عالما أو طالب علم إلا وقد قرأ هذه المنظومة أو شرحها أو علق عليها. وسبب ذلك أنهم وجدوا أن النظم في الغالب حفظه سهل، فمن نظم منظومة في فن ما ففي الغالب إن طلاب العلم يعني ينكبون إلى هذه المنظومة فيحفظونها ويشرحونها أكثر من المنثور. Donc ce livre ou bien ce poème, malgré sa petite taille, vous trouverez que depuis qu'il a été écrit, les savants lui donnent énormément d'importance. Donc vous trouverez énormément de savants, d'étudiants qui ont lu ce poème, qui l'ont expliqué ou bien qui ont fait des annotations dessus. Car en général, lorsqu'une personne donc écrit un poème dans une science, le poème a souvent beaucoup de succès chez les étudiants, car le poème en général est facile à mémoriser et reste plus que si on apprend un texte. Et هذا المؤلف رحمه الله طه ابن عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني ليس لدينا ترجمة له الذي نعلم أنه كان حيا سنة 80,000، واختلف العلماء كذلك في اسمه، يعني حتى اسمه لسنا على يقين منه، فقيل طه وقيل عمر، طه أو عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني. Donc l'auteur rahimahullah, nous n'avons pas de biographie le concernant. Nous n'avons que son nom, et même son nom, il y a divergence. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Taha, d'autres qui disent qu'il s'appelle Omar. Ce qu'ils savent, c'est qu'il était vivant en 1080 de l'Hégire. Donc on ne connaît rien de lui. يعني عن من درس تلامذته كتبه عقيدته مذهبه tout ça on ne sait rien de lui. On ne sait pas c'est qui ses professeurs, on ne sait pas qui sont ses élèves, on ne sait pas sa croyance, on ne sait pas non plus son madhhab fiqhi. Nous ce que nous savons c'est qu'il a écrit cette manzuma, c'est qu'il a écrit ce poème. نستفيد من عدم كوننا نعرف شيئا عنه فوائد، منها أن طالب العلم أو العالم ينبغي عليه أن لا يحتقر نفسه ولا عمله، فهو الآن ألف هذه المنظومة في سنة متأخرة، فقد كتب قبله علماء كثير، ومع ذلك هو ذهب ونظم هذه المنظومة، وقد يحتقر الإنسان عمله، يقول لماذا سأكتب منظومة وقد ألف الكثير من العلماء في هذا الفن، ولكن الله تبارك وتعالى وحده يعلم الكتب والمؤلفات والنظم التي سيكتب لها القبول والبقاء. Donc nous ne savons rien de cet auteur. Nous savons juste qu'il a écrit donc ce poème. Le fait que nous ne connaissons rien de lui nous enseigne plusieurs leçons. Parmi ces leçons, le fait que le musulman, de manière générale, et plus précisément l'étudiant en sciences religieuses et à plus forte raison le savant, il ne faut jamais qu'il minimise ses actes. Qu'il minimise ses actes en pensant « je vais faire telle chose, mais ça ne sert à rien ». Il a écrit ce poème de 34 vers à une période, on va dire, très retardée par rapport aux sciences. Beaucoup de gens sont passés avant lui à Imma, qui ont écrit dans la science du hadith. Mais malgré cela, il a décidé d'écrire un poème de quelques vers. Ce n'est pas un truc long, il y a des choses qui ont été écrites beaucoup plus longues même avant lui. Donc il a décidé de faire cela, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait que son livre soit accepté des étudiants, des savants, qu'il soit étudié, qu'il soit lu, qu'il soit expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait lequel des livres perdurera dans l'histoire. ولهذا الإمام مالك رحمه الله عندما ألف كتابه الموطأ جاءه رجل فقال له يا إمام لماذا ألفت هذا الكتاب الموطأ وقد ألف علماء كثيرون موطئات قبلك؟ فقال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله فهو يبقى وصدق رحمه الله حيث أبقى الله تبارك وتعالى كتابه من ضمن المؤطآت التي كتبت في زمانه. الآن إذا قيل لك كتاب الموطأ ينصرف ذهنك مباشرة إلى كتاب الإمام مالك رحمه الله عليه. Donc l'imam Malik رحمه الله à son époque lorsqu'il a écrit son livre Al-Muwatta, un homme est venu le voir et lui a dit: pourquoi as-tu écrit ce livre alors que beaucoup de savants à notre époque ont écrit des livres du même titre, Al-Muwatta. Muwatta un tel. L'imam Malik rahimahullah, il lui a répondu en lui disant: ma kana lillahi fahuwa yabqa. Ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala restera. Ce qui est fait pour Allah restera. Et en effet, le livre de l'imam Malik rahimahullah est le seul qui est resté. À notre époque, si on nous dit Al-Muwatta, sans nous dire son auteur, on pense directement à Muwatta, l'imam Malik. الفائدة الثانية أنك إذا عملت عملا ما من أنواع إيصال العلم قد تنفع الأمة بكاملها. Également, lorsque tu fais un acte, que tu écris un livre, que tu fais un poème, que tu résumes parfois même un livre, il se peut que tu sois utile pour toute la communauté. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi résumer un livre ? Un livre, par exemple, qui est grand, toi, tu viens et tu le résumes. Par exemple, tu retires les choses que tu considères n'étant pas aussi importantes. Et donc, tu fais un résumé d'un livre. Il y a des gens qui, à travers l'histoire, ont fait des résumés de livres. Ils ont pris des gros livres et ils les ont résumés. ماذا حصل بعد؟ الأصل فقد. الأصل فقد ولم يبقى إلا هذا المختصر. Il y a des gens qui ont pris des grands livres et qui les ont résumés. Il y en a qui vont dire à quoi ça sert de résumer un livre alors que l'asl est là. Il s'est passé que avec l'histoire, avec les guerres, etc., que le livre de base a été perdu. Et il ne reste plus que le résumé. Et la seule trace qu'on a de ce livre, c'est le résumé. Min ذلك كتاب اختلاف العلماء للإمام أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي من علماء الحنفية. متوفى سنة 21 و300. لو كتاب كبير اسمه اختلاف العلماء. جاء أبو بكر الجصاص من علماء الأحناف كذلك. فاختصره ثم فقد كتاب الطحاوي ولم يبقى معنا إلا كتاب الجصاص رحمة الله على الجميع. Donc الطحاوي رحمه الله qui est décédé en 321 de l'Égypte, il a un livre qui s'appelle اختلاف العلماء, qui est un grand livre parmi les savants du Madhab Hanafi. Et Abu Bakr al-Jassas, qui a également le livre احكام القرآن, il est venu, il a résumé le livre de الطحاوي. C'est passé, le livre de Tahawi, il a disparu. Il a disparu, et à l'heure actuelle, si on veut la parole de l'imam Tahawi dans ce livre-là, on ne peut que revenir au livre de l'imam Al-Jassas, rahmatullahi alayh. Yaqulu Abu al-Irfan Muhammad ibn Ali al-Sabban, mutawaffa sana 60 و200. وألف صاحب الحاشية على شرح الأشمني على ألفية بن مالك يقول إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. Donc ces trois vers sont les vers en général que l'on étudie lorsqu'on veut étudier une science. C'est comme une introduction à cette science. Lorsqu'on veut savoir la définition de cette science, de quoi parle-t-il, ou bien sur quoi est-elle appliquée, également l'intérêt d'apprendre cela, son lien par rapport aux autres sciences, les bienfaits de cette science, la première personne qui a écrit dans cette science, le nom de cette science, d'où tire cette science, le statut d'apprendre cette science, donc comme une introduction. Inna mabadi kulli fannin ashara. Donc l'introduction à chaque science est sur 10 points. El haddu, c'est-à-dire ta'rif, c'est-à-dire la définition, wal mudu', le sujet de cette science, sur quoi est-elle appliquée, thumma thamara, c'est-à-dire les profits tirés de cette science. وَنِسْبَتُنْ, c'est-à-dire le lien de cette science par rapport aux autres sciences. وَفَضْلُهُ, les vertus de cette science. وَالْوَاضِعْ, c'est-à-dire la personne qui a écrit, la première personne qui a écrit cette science. وَلِسْمْ, le nom de cette science. وَلِسْتِمْدَدْ, c'est-à-dire d'où puise-t-on cette science. حُكْمُ الشَّارِعْ, quel est le statut d'apprendre cette science. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation pour tout le monde? Est-ce qu'une obligation pour certains, est-ce que c'est conseillé? Masailu, quels sont les différents sujets de cette science? Ensuite, il dit wal bardu bil bardik tafa wa man dara jami'a haza sharafa. C'est-à-dire sur ces 10 points, on peut se contenter de certains et c'est encore mieux de connaître les 10. Idhan al hadd. Yani haddu علم الحديث تعريف علم الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. Donc la définition de cette science, la science du hadith, est que donc c'est une science grâce à laquelle nous pouvons connaître le statut du rawi. Rawi, c'est le narrateur. Le narrateur qui rapporte ce hadith. Donc, dans un hadith, il y a une chaîne de transmission avec plusieurs noms. De la personne qui a écrit le livre jusqu'au compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, ce que l'on appelle ar-ruwat. Et le singulier est ar-rawi. Donc, grâce à cette science, nous pouvons connaître le statut de ce narrateur, wal-marwi, c'est-à-dire du hadith qu'il rapporte. Et donc, on pourra savoir est-ce que le narrateur, sa narration ou bien son rapport de hadith est accepté ou bien rejeté. Et on pourra également savoir est-ce que le hadith est accepté ou bien rejeté. Voilà donc la définition de cela, de cette science. Ilmun yurafu bihi halu ar-rawi wal marwi min haythu al-qabulu war-radd. موضوع هذا العلم يعني على أي شيء ننطبق أو ينطبق هذا العلم. هذا العلم ينطبق على السند والمتن. السند والمتن. والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. Donc cette science, sur quoi allons-nous l'appliquer lorsque l'on connaît les règles? Ces règles, nous allons les appliquer sur as-sanad, la chaîne de transmission, ou al-matan, c'est-à-dire le texte. Lorsqu'on voit un hadith, innamal a'malu binniyat buniya al-islam ala kham, c'est ce que l'on appelle al-matan. Donc ce que nous avons après la chaîne de transmission, c'est al-matan. As-sanad, c'est la chaîne de transmission, donc les différents rapporteurs qui disent haddathana akhbarana an fulan, c'est ce que l'on appelle al-isnad. Et al-isnad ou al-sanad, ça a le même sens. Al-sanad ou al-isnad, ces deux termes ont le même sens. Idhan yaqul inna mabadi kulli fannin 'ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamara thamaratu hadha al-'ilm. ثمرته هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره ليتمكن الإنسان من الاستدلال بما هو ثابت لا غير. Donc cette science nous permet de faire le tri entre les hadiths, de faire le tri parmi les hadiths, et afin de séparer les hadiths authentiques des hadiths faibles, et afin justement d'apporter dans notre argumentation des preuves authentiques. Car la personne qui ne comprend pas cette science, qui ne connaît pas cette science, il se peut qu'elle discute d'un sujet et essaye d'apporter une preuve en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, mais vu qu'elle ne sait pas différencier l'authentique du non authentique, elle cite tout ce qu'elle a pu trouver. Non, cette science justement nous permet de faire le tri entre les hadiths authentiques et ceux qui ne le sont pas. وهذا العمل يكون فقط في السنة النبوية أما القرآن فلا يحتاج إلى تنقية فهو مروي إلينا بالتواتر والتواتر يعني أعلى درجات الصحة. Donc cela est seulement pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne peut prétendre appliquer ces règles-là sur le Coran. Donc le Coran nous est rapporté de manière que l'on appelle at-tawatur, c'est-à-dire qui ne peut laisser aucun doute sur son authenticité. Il y a tellement de gens qui ont rapporté le Coran parmi les compagnons radiallahu anhum, parmi les tabi'in jusqu'à notre époque, qu'on ne peut douter que tous ces gens-là se soient mis d'accord pour forger un mensonge. C'est ce que l'on appelle at-tawatur et on y reviendra dans l'explication du hadith sahih. إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة يعني ما هو نسبة علم الحديث إلى العلوم الأخرى فعلم الحديث يعني مفيد في علوم شتى في التفسير وفي الفقه يعني حتى تستدل بأحاديث ثابتة حتى في علم العقيدة يعني كل العلوم التي تحتاج إلى استدلال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل العلوم كل هذه العلوم تحتاج إلى علم الحديث. Donc quel est le lien de cette science par rapport aux autres sciences? Toutes les sciences dans lesquelles nous avons besoin d'argumenter en citant des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces sciences ont besoin de la science du hadith, que ce soit ilm al-aqida, que ce soit al-tafsir, que ce soit al-fiqh, que ce soit également al-usul, toutes ces sciences-là ont besoin de la science du hadith afin que tu apportes en argumentation des hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Fadluhu hadha al-ilm huwa min ashraf al-ulum li ta'alluqihi bi kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kama naqulu mathalan fi ilm at-tafsir wa fi ilm at-tajweed أنها من أشرف العلوم لتعلقها بكلام الله جل وعلا فكذلك هنا نقول أنه من أفضل العلوم لتعلقه بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc فضله les vertus de cette science. Donc personne ne doute que cette science fait partie des sciences les plus nobles, la science du hadith, car elle est liée à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم et permet justement donc de faire le tri dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose lorsque l'on parle des sciences liées au Coran. Nous disons que cette noblesse est tirée donc de ce lien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également ici, cette science tire sa noblesse de son lien avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونسبة وفضله والواضع نعني بالواضع الذي وضع هذا العلم من الذي وضع هذا العلم بهذه القوانين التي يعرف بها حال الراوي والمروي هذا العلم وضعه الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم والإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ والإمام أحمد والإمام الترمذي في جامعه وفي علله إلا أن هذا العلم كان متفرقا كان متفرقا وسنذكر يعني من ألف في هذا العلم بشكل مستقل. Donc cette science qui est le premier à avoir qui a posé cette science, qui est le premier à avoir apporté ces règles de la science du hadith. Donc cette science est tirée, ce sont plutôt les imams, comme l'imam Shafi'i dans son livre Ar-Risala, ou l'imam Malik, rahimahullah, dans Al-Muwatta, parfois il nous cite des règles de hadith, ou Al-Mursal, etc. L'imam Ahmad, rahimahullah, également, l'imam Al-Tirmidhi, dans son livre Al-Jami', ou bien Al-Hilal. Tous ces gens-là, ce sont eux qui sont les premiers à avoir parlé de règles sur les hadiths, de parler de hadiths faibles, de hadiths mursels, en donnant même des noms aux hadiths faibles. Mais toutes ces règles étaient dispersées dans les livres. Et on va citer ensuite qui sont les premiers savants à avoir justement regroupé ces règles dans un seul et même livre. اسم هذا العلم هذا العلم يسمى بعلم مصطلح الحديث أو بعلم الحديث أو بعلم الحديث رواية هذه كلها من أسماء هذا العلم علم مصطلح الحديث علم الحديث وعلم الحديث رواية فعلم الحديث له جانبان جانب رواية وجانب دراية الرواية نعني بها علم الإسناد والدراية علم المتن يعني فهم وفقه هذا المتن. Donc les noms de cette science, donc cette science, vous pourrez la trouver sous plusieurs noms dans les livres. Il faut savoir que tous ces noms parlent d'une seule et même chose. Si vous entendez parler de Mustalah al-Hadith, ça parle de cela. Si vous entendez parler de Ilm al-Hadith, ça parle de la même chose. Si vous entendez parler également de Ilm al-Hadith et Riwaya, c'est également la même chose. Donc la science du Hadith a deux branches. Nous avons ilm al-hadith riwaya et ilm al-hadith riwaya diraya. Ilm al-hadith riwaya, c'est tout ce qui est lié à la chaîne de transmission et au matin, mais pas de manière à comprendre le texte. Et diraya, c'est toutes les règles que l'on peut tirer d'un hadith, comme ceux qui ont expliqué Al-Bukhari, Anam. Donc, comme je pourrais trouver ceux qui ont expliqué par exemple l'Arba'in Nawawiya, ceux qui ont expliqué Al-Bukhari, ceux qui ont expliqué Muslim, lorsqu'ils nous parlent par exemple de l'explication du hadith, ça c'est Ad-Diraya. Et les deux sont importants. Il ne faut pas penser qu'à Al-Isnad et il ne faut pas penser également qu'au Matan. Donc, Al-Hadith c'est un tout. إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع الاستمداد نعني بالاستمداد من أي شيء استمد هذا العلم يعني من أي شيء أخذ من أين يعني أخذنا هذه القواعد. فمثلا في علم التجويد للذين حضروا معنا تحفة الأطفال وغيرها نقول علم التجويد مستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت بالأسانيد المتواترة. فهنا من أين استمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من كلام الأئمة كما قلنا من كلام الإمام الشافعي وسؤالات الإمام أحمد ومن سؤالات الإمام الترمذي للإمام البخاري في جامعه وفي علله وغير ذلك من الكتب. Donc d'où a été prise cette science. Donc les règles que l'on va voir, le hadith sahih, comment reconnaître un hadith sahih d'un hadith faible, le mursal, le mu'al, le mu'adal, le maqloub, tous ces noms et toutes ces règles. D'où ont été prises ces règles? D'où viennent ces règles? Par exemple, lorsque l'on parle de règles de tajwid, que ce soit idram, ikhfa, on dit que ces règles ont été prises de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée de manière mutawatira, de cette lecture, les gens, ou bien les savants, ont tiré les règles. Qu'après telle lettre, nous avons Irfa, après telle lettre, nous avons Idram. Donc, cette lecture vient de, ces règles viennent de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ces règles nous proviennent de la parole des A'imma. Donc, vous pouvez trouver dans les premiers livres, comme par exemple l'imam al-Shafi'i dans son livre Ar-Risala, dans les livres qui s'appellent As-Su'alat, Su'alat al-Imam Ahmed. Donc il y a des gens qui viennent poser des questions à l'imam Ahmed sur des hadiths, sur des narrateurs, et l'imam Ahmed rahimahullah répond. Su'alat Abi Daoud, Su'alat et d'autres. Pareil dans le livre Tirmidhi al-Jami', parfois il pose les questions à l'imam al-Bukhari en disant Sa'altu Muhammad ibn Ismail sur un tel, et l'imam Bukhari rahimahullah répond. Donc voilà d'où ont été prises ces règles. Mais comme on a dit précédemment, ces règles étaient éparpillées. Donc certains savants sont venus et ont décidé de réunir toutes ces règles dans un seul et même livre. Dans un seul et même livre. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه المتوفى سنة 52 في كتابه نزهة النظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر في توضيح مصطلح أهل الأثر. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه نخبة الفكر في مصطلح الحديث وهو نفسه شرح هذا الكتاب في كتاب اسمه نزهة النظر نزهة النظر. Donc, الحافظ ابن حجر رحمه الله qui est décédé en 852 de l'Égypte, il a beaucoup écrit sur dans la science du hadith. Donc il a un livre très important qui s'appelle Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr, donc qui est également un degré au-dessus de cela, mais également pour un niveau de débutant. Inch'Allah, on essaiera de le faire prochainement. Nukhbatul Fikr, il a d'autres livres comme Nukat à la Muqaddimat ibn Salah. Il a également il a énormément de livres Mustalah al-Hadith. Et son livre Nukhbatul Fikr, lui-même, il l'a expliqué dans un autre livre qui s'appelle Nuzhat al-Nazar. نزهة النظر في توضيح نخبة في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وفي هذا الكتاب تحدث عن أول من صنف في علم الحديث. يقول أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. Donc رحمه الله ici nous parle des premiers qui ont écrit dans cette science, qui ont réuni toutes ces règles dans un seul et même livre. Et il nous dit que donc les livres dans Mustalah al-Hadith sont très nombreux donc parmi les anciens et parmi les savants contemporains, mais il nous parle donc de son époque. Et parmi les premiers qui ont écrit, nous avons Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahormozi. Ar-Ramahormozi qui est décédé en 360. Fi kitabihi Al-Muhaddithi Al-Fasil. Donc il a appelé son livre Al-Muhaddith Al-Fasil. Et le nom entier du livre, il s'appelle Al-Muhaddith Al-Fasil Bain Ar-Rawi Wal-Wa'i. Thumma yaqul walakinahu lam yastawib. Il nous dit le problème avec ce livre, c'est qu'il n'a pas englobé toutes les sortes de hadiths. C'est normal, vu que c'est le premier qui a tenté de réunir ces règles. Wal-Hakim Abu Abdillahi al-Naysaburi al-Mutawaffa sana 45 lakinahu lam yuhadzib wa lam yurattib. والحاكم وصاحب المستدرك على الصحيحين كتابه اسمه معرفة علوم الحديث. Ensuite est venu Al-Hakim Abu Abdillah Al-Nisaburi. Al-Hakim c'est celui qui a le livre المستدرك sur الصحيحين. Il a écrit un livre qui s'appelle معرفة علوم الحديث. معرفة علوم الحديث. Lui il est décédé en 405 de l'Égypte. Mais il nous dit وَلَكِنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ. C'est-à-dire son livre il ne l'a pas révisé et ne l'a pas ordonné. Son livre n'est pas ordonné. ثُمَّ تَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِ فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجًا وَأَبْقَى أَشْيَاءً لِلْمُتَعَقِّبِ. Ensuite Abu Nu'aym al-Asbahani décédé en 430, il a fait un livre que l'on appelle Eni Mustakhraj sur le livre de Al-Hakim. C'est-à-dire qu'il a fait le même travail que lui, mais avec ses propres chaînes de transmission. Et il a laissé beaucoup de choses à faire pour les gens après. Thumma ja'a ba'dahum Al-Khatib Al-Baghdadi. Fasannafa fi qawanin al-riwayati kitaban sammahu al-kifaya. Wa fi adabiha kitaban sammahu al-jami'u li-adab al-sheikh wa-sami'. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن النقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. Ensuite est venu الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي décédé en 463 de l'Égypte, et il a écrit un livre donc sur les règles de Mustalah al-Hadith qui s'appelle Al-Kifaya, et le titre entier Al-Kifaya fi ilm al-Riwaya. Al-Kifaya fi ilm al-Riwaya. Il a écrit un livre également sur le comportement du Muhaddith appelé Al-Jami' li-Adab al-Sheikh wa al-Sami'. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, toutes les sortes de Hadith, en général, il a écrit un livre indépendant. Hadith sur le maqloub, hadith sur le mursal, il a des livres indépendants sur chaque type de hadith. C'est pour ça que le hafiz Abu Bakr ibn Nuqta rahmatullahi alayh, il nous dit toute personne juste est obligée de reconnaître que tous les muhaddithines après le khatib, ils ne font que prendre de ses livres. Ils ne font que prendre de ses livres. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. Donc ensuite les gens sont venus après Al-Khatib et ils ont pris de la science du hadith, donc chacun en fonction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. Ensuite donc, nous avons Al-Qadi Iyad, décédé en 544, qui a un livre appelé Al-Ilma' ila ma'rifati usul al-riwayati wa taqid al-sama'. Ensuite Abu Hafs Al-Miyanji, qui a un livre qui s'appelle Ma la yasa'u al-muhaddith jahlu. Wa amthalu dhalika min tasanif allati ishtaharat wa busitat li yatawaffara 'ilmuha wa ikhtasirat li yatayassara fahmuha. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان ابن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهر روزي أو شهر زوري نزيل دمشق. Tandis qu'il y a tous ces personnes qui ont écrit jusqu'à ce que vienne Al-Hafiz ibn Salah. Al-Hafiz ibn Salah, c'est lui qui a écrit peut-être le livre le plus important dans la science du hadith. Son livre appelé Ulum al-Hadith est connu également sous le nom de Muqaddimat ibn Salah. Donc ça, c'est peut-être le livre le plus important dans la science du hadith, qui s'appelle donc Ulum al-Hadith ou bien Muqaddimat ibn al-Salah. Et tous ceux qui sont venus après, ils ont résumé ce livre ou bien ils l'ont fait en poème comme l'a fait Al-Hafidh ibn al-Iraqi dans son livre Al-Alfiya. Donc voilà les premiers qui ont écrit dans cette science. ثم حكم الشارع هذا العلم من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وربما تعين على طالب العلم أن يتعلمه. Donc quel est le statut de cette science? Quel est le statut de cette science? Cette science est une obligation, mais ce n'est pas une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est ce que l'on a cité à plusieurs reprises, ce que l'on appelle fard kifaya, c'est-à-dire qu'il faut qu'une partie de la communauté se charge d'apprendre cette science et de l'enseigner afin que cette science perdure dans la communauté. Et pour les personnes donc plus investies dans la science, comme les étudiants en sciences religieuses ou bien les savants, c'est une obligation pour eux de connaître cette science et de pouvoir donc distinguer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حكم الشارع مسائل يعني مسائل هذا العلم هي التي سنراها يعني من خلال هذا الشرح مسائل كالاتصال والانقطاع والتدليس وما شابه ذلك. Donc les مسائل c'est tous les sujets que l'on va voir inshallah liés à cette science, comme le fait que l'isnad soit lié muttasil ou bien qu'il y ait une coupure, une qita', ou bien que ce que l'on appelle at-tadlis, ce que l'on appelle al-irsal. Donc tout ça, c'est les sujets de cette science que l'on va voir dans ce livre. وَدَ الْكِتَابُ كِتَابٌ صَغِيرٌ يعني لا ينبغي على الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب أن يعتقد أنه قد أحاط بهذا العلم. هذا العلم يعني بحر لا ساحل له. Donc ce livre est un livre très résumé, yani très très très résumé. Il ne faut pas que la personne ayant étudié ce livre pense qu'elle a englobé tous les points de cette science. Car donc un livre résumé comme ça, donc l'explication également est résumée, afin justement que la personne prenne ce livre comme une introduction à cette science qui est très vaste. والإنسان في هذا العلم كما في غيره من العلوم عليه أن يتدرج فيبدأ بهذه المنظومة ثم ينتقل إلى نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ثم لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ثم يحاول أن يدرس مقدمة ابن الصلاح سواء الكتاب الأصلي أو إحدى منظوماته كمنظومات الحافظ العراقي رحمة الله عليه. Donc la personne dans cette science, comme dans toutes les autres, il faut qu'elle essaye de commencer par les petits livres pour ensuite prendre des livres un peu plus importants et un peu plus larges. Donc la personne commence par ce poème de 34 vers, ensuite pour passer au livre que l'on a cité tout à l'heure, نخبة الفكر في توضيح مصطلح أهل الأثر de الحافظ ابن حجر. Ensuite اختصار علوم الحديث de ابن كثير المفسر. Et ensuite passer au livre de Ibn Salah, Ulum al-Hadith, ou bien Muqaddimat Ibn Salah, que ce soit le livre de base ou bien les poèmes liés à ce livre. Donc il y a certains savants qui ont mis le livre de Ibn Salah en nazm, comme l'a fait Al-Hafidh al-Iraqi, rahmatullahi alayh. الإسناد الإسناد كما قلنا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن والإسناد له مكانة وأهمية في الإسلام حتى سميت هذه الملة بملة الإسناد فالإسناد من خصائص هذه الأمة. Donc l'isnad, qui est la chaîne de transmission des textes, a une énorme importance en islam. Jusqu'à ce que même l'islam soit appelé la religion de l'isnad. La religion de l'isnad. Vous ne trouverez pas cela, par exemple, chez les juifs ou bien les chrétiens. Eux, ils donnent un texte et il faut que ce soit accepté. Non, le musulman, il demande la chaîne de transmission. لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الدين عن رب العزة والجلال بواسطة جبريل أو بغير واسطة. Donc, même les compagnons radiallahu anhum ont pris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris de Allah subhanahu wa ta'ala, soit avec l'intermédiaire de Jibril ou bien sans intermédiaire. Wa yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons tasma'un, c'est-à-dire vous écoutez. Wa yusma'u minkum, et des gens écouteront de vous. Et d'autres personnes entendront de gens qui vous ont entendu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà à cette époque, il avait cité l'importance donc de la chaîne de transmission. Le hadith rawahu Abu Daoud. Wa qad takallama al-ulama rahimahumullah fi makanati wa ahamiyati al-isnadi fi al-islam. الإمام مسلم رحمه الله روى بسنده في مقدمة صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإمام مسلم رحمه الله dans son livre الصحيح, avant الصحيح il y a une introduction qu'on appelle مقدمة صحيح مسلم. Dans cette مقدمة il cite que Muhammad ibn Sirin, le tabi'i célèbre, a dit al-isnad min ad-din, la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas cette chaîne de transmission, chacun aurait pu dire ce qu'il veut. Sans la chaîne de transmission, chacun peut dire ce qu'il veut. Une personne au 4e siècle nous dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'on lui demande d'où tiens-tu cela. Non, la chaîne de transmission est très très importante. ويقول ابن سيرين نفسه إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. Il nous dit que cette science est une religion. فانظروا عن من تأخذون دينكم. Faites attention ou bien observez de qui prenez-vous votre religion. Donc les gens à l'époque donc ils prenaient les hadiths. Ils prenaient les hadiths d'un peu tout le monde. Et Ibn Sirin leur a dit, faites attention que cette science du hadith est une religion. Donc regardez de qui prenez-vous cette religion. Wa Sufyan al-Thawri, l'imam, yaqul al-isnadu silahu al-mu'min. Idha lam yakun ma'ahu silahun fa bi'ayyi shay'in yuqatil. Sufyan al-Thawri nous dit que l'isnad est l'arme du croyant. Et si la personne n'a pas d'arme avec lui, avec quelle chose va-t-il combattre? C'est-à-dire, à leur époque, il ne citait pas de hadith comme cela, comme nous le faisons. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Là, à leur époque, il n'y avait pas encore de Sahih al-Bukhari réunis. Donc eux, ils disaient, j'ai entendu le compagnon, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a comparé cela à une arme. C'est-à-dire que tu n'as aucun argument si tu n'as pas de isnad à son époque. Ils ne pouvaient pas à leur époque venir et dire « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Automatiquement, on leur aurait dit « D'où tiens-tu cela ? Quelle est ta chaîne de transmission ?» « Sammoulana rijalakum ». Citez-moi de qui avez-vous entendu cela. « Wayaqul ibn Hazm » « Fi kitabihi al-Fisal »« Yaqul naqlu thiqati ani thiqa » يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم على الاتصال نقل خص الله عز وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها وأما مع الإرسال والإعضال فمن هذا النوع كثير من نقل اليهود بل هو أعلى ما عندهم إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى عليه الصلاة والسلام كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم أما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه ثم قال وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى ابن حزم رحمه الله il compare justement la chaîne de transmission chez les musulmans et chez les juifs et les chrétiens. Il nous dit que le fait qu'une personne fiable, thiqa, on va citer également qu'est-ce que c'est que thiqa, donc une personne fiable qui rapporte une personne fiable jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en ayant une chaîne de transmission liée, il nous dit c'est une chose que Allah tabaraka wa ta'ala a donné spécialement aux musulmans. Et il n'a pas donné ça aux autres religions. Il nous dit, en ce qui concerne Al-Irsal. Al-Irsal, c'est lorsque donc il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Ou bien Al-Irdal, donc il y a une coupure de deux personnes ou plus. Il nous dit cela est très présent chez les juifs. Il nous dit c'est le plus haut degré qu'ils aient. Ils n'ont pas une seule chaîne de transmission liée du début jusqu'à la fin. Le plus haut degré qu'ils aient c'est Al-Irdal ou bien Al-Irsal. Et ils ne se rapprochent pas de Moussa comme nous nous rapprochons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux chrétiens, ils n'ont aucune chaîne de transmission. La seule chaîne de transmission qu'ils aient, c'est sur un sujet qu'il parle de l'interdiction du divorce. L'interdiction du divorce. Dans le christianisme, il est interdit de divorcer. C'est pour ça qu'il leur dit jusqu'à ce que la mort vous sépare, etc. Et il nous dit que même cette chaîne de transmission qu'ils aient, على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه. La personne qui a rapporté cette chaîne de transmission, wa kadhab, c'est un grand menteur connu de tout le monde. Ce type de texte ne serait pas accepté chez les musulmans. Et ça, c'est la seule chaîne de transmission qu'il possède. هذا والذي يقول له ابن حزم. فيقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز حيث افتتح الله تبارك وتعالى كتابه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a commencé son poème par ce que l'on appelle al-basmala. Al-basmala, c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons également Alhamdallah, le fait de dire Alhamdulillah. Nous avons Al-Hawqala, le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Hayya'ala, Hayya'ala salat, Hayya'ala falah. Donc il a pris exemple sur le Coran qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a également un hadith où il est dit Kullu amrin dhi barin. Toute chose importante qui ne commence pas par Bismillah, fahuwa abtar. C'est-à-dire sans baraka. Mais ce hadith n'est pas authentique. Ou un hadith un mursel. ولكن مع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح رسائله بالبسملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى هرقل عظيم الروم قال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلح الحديبية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمر أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم يعني بدل من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب يعني قبل الإسلام. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم. Donc il est, même si le hadith est faible, il est rapporté dans de nombreux hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم commençait ses lettres qu'il écrivait ou bien qu'il faisait écrire par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsqu'il a envoyé une lettre à Hercule, Héraclès, donc le chef des Romains, pour l'appeler à l'islam, il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début. De Mohammed, serviteur d'Allah, et son messager, vers Héraclès, Azim ar-Rum, donc chef des Romains. Salamun ala man ittaba' al-huda. Hadith est cité dans le Bukhari. Et également, toujours dans Al-Bukhari, lors de Sulh al-Hudaybiyah, lorsque donc les musulmans sont partis de Médine vers la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en songe qu'il faisait le tawaf avec ses compagnons, il s'est dirigé tout de suite vers la Mecque, mais il a été bloqué à un endroit proche de la Mecque, à une dizaine de kilomètres, appelé Al-Hudaybiyah. Et les associateurs ont décidé de ne pas laisser le prophète et ses compagnons accomplir la Omra. Et ils ont également écrit un pacte qui a été appelé Sulh al-Hudaybiyah. Donc il y a Suhail ibn Amr, qui était à l'époque mécréant. Il est venu et il a dit, donc nous allons écrire un pacte entre nous et vous. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui écrivait le texte, il lui a dit, écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhail ibn Amr, il a dit, ar-Rahman, je ne sais pas ce que cela veut dire. Écris à la place Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Les compagnons se sont mis en colère en disant, nous n'écrivons rien à part Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, écris Bismika Allahumma. فنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الإخوان على الجميع أن يأخذ كتابا أو دفترا وقلما. Donc tout le monde prenne un stylo et un cahier, car il est très difficile de retenir tout ce qui est dit. Donc si, même en écrivant, donc si la personne n'a pas avec elle de quoi écrire, c'est presque inutile. Donc la personne, elle prend un stylo avec elle et un cahier afin de noter ce qui peut être dit d'intéressant pendant ce cours. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.